Yeah, stylistique le mic, clack and co. Yeah, j'ai la tête pleine de verre, mais j'ai cette foi qui fait qu'à chaque début je cale devant ces pages blanches. Alors je me dis que tout l'amour que j'éprouve pour cet art s'égare, tellement la peur s'approprie chaque parcelle que recèle mon âme. Je constate que le présent me narre, et donc par conséquent mon futur se gâte. Donc j'ai la crime sans dessus-dessous, une tare qui ne fait que nuire à mon manque de sous. Pendant que le doute me bouffe, me prouve que rien n'est acquis sur cette terre, tout cela m'exaspère, que j'ai peur de me perdre ou de perdre mes vers. Donc au lieu de t'aplater, c'est j'ai mis les freins, j'ai préféré préserver mes proses. Bien écart la force qui les compose, ne tarde si cela s'impose. Et à la longue, logiquement, mon manque d'écriture me pose problème. À terme, j'ai peur de perdre définitivement l'envie de faire. Alors je n'écris que quand âme l'exige, mais le doute lui persiste, éternise toutes mes rimes, ce qui rejoint l'idée de les perdre. Et j'avoue que j'en suis navré pour moi-même, ouais. J'ai peur de mourir avant de naître. J'ai peur. Ajoute à ça mon manque de taf, le loyer, la bouffe, la bouche des gens qui jacquent. Donc ne t'étonne pas qu'on bouge, je craque, je doute du rap. Quand je constate qu'autour de moi tout dérape, je n'ai que mes vers pour me défendre alors. Un gros dilemme se pose, car je veux vivre de mes vers alors que ces mêmes vers m'apportent peu de choses.